Deuxième partie de la soirée avec Alex Lachance, alchimiste, à Québec, en janvier 83. Maintenant, c'est la période des questions du public, soit en direct ou avec l'intermédiaire des petits papiers. Une question ici sur un petit papier de Pierre Massé, de Québec. Pourquoi les alchimistes gardent-ils secrètes les connaissances qu'ils détiennent, puisque cela pourrait soulager l'humanité de plusieurs maladies incurables de nos jours? Il y a plusieurs raisons qui empêchent les alchimistes de révéler la totalité du magistère, parce qu'on pourra employer les forces mises en jeu pour des fins nocives. Alors, ce serait comme placer un jouvenceau dans une centrale d'électricité. Alors, il pourra faire des gestes qui seront imprudents et causer plus de dégâts que de puissance générée. Alors, l'alchimie, c'est la captation d'une force supérieure, d'une force qui est omnilatente, omniprésente et omnipuissante aussi. Alors, il faut y aller avec modération, il faut savoir la manipuler avec discrétion. Et bien des alchimistes ont été imprudents dans ce domaine-là, vouloir capter l'énergie du ciel, parce que toute forme d'énergie vient de l'espace céleste, et ils ont regretté leur geste imprudent. Une autre question, M. Lachance, ici, puis qui est très en rapport avec le sujet de ce soir. Serait-il possible de faire ou de développer les analogies qu'il peut y avoir entre les différentes étapes du grand œuvre et l'Apocalypse? Un des premiers éléments, les chevaliers. On parle de 4 chevaliers dans l'Apocalypse. J'homologue les 4 chevaliers de l'Apocalypse avec les 4 formes de la matière. Terre, eau, air et feu. Alors, ce sont ces 4 formes de matière qui ont toujours régi le monde. Et ces 4 chevaliers-là sont montés de cheval. Ils ont une monture. Alors, s'ils sont libérés dans le monde, ils peuvent créer autant de dégâts qu'ils peuvent faire de bienfaisance. Le cheval que l'on considère comme la source d'inspiration, c'est le Pégase, le cheval ailé, qui ne piétine pas la terre. Alors, les 4 chevaliers représentent les 4 états de matière qui sont la condition dans laquelle nous nous trouvons présentement. Le cavalier noir, le cavalier rouge, le cavalier blanc, qu'est-ce qu'ils représentent respectivement? Précisément, les 4 états de matière. Oui, mais le rouge, c'est pourquoi? Le rouge, c'est la violence. Le rouge, c'est la violence, définitivement. Et quel état de matière est-il en analogie? Le feu. Le feu. Le feu, oui. Le noir. Ah, le noir, c'est la lubricité. C'est la lubricité. C'est ce qui met l'inconscience de notre être véritable. C'est la négation de la lumière. C'est toujours été l'obscurantisme. Et quel élément de la nature? Ah, ça représenterait l'eau. L'eau. Parce que l'eau, c'est l'émotivité, n'est-ce pas? Et l'émotivité est toujours à double pôle. Il y a des émotions créatrices, des émotions bienfaisantes, positives, il y a des émotions négatives. Alors, c'est symboliquement, ces 4 chevaliers-là représentent les 4 états d'esprit à travers lesquels l'humanité passe dans son ascension du plan spirituel. Le blanc signifie de quoi? Ah, le blanc, c'est la pureté dans tous les domaines. Le blanc, c'est ce qu'on appelle l'albification dans l'œuvre au blanc, dans l'œuvre alchimique. Et quel élément de la nature? L'élément de la nature, c'est l'air. C'est l'air, oui. Et le dernier, de quelle couleur? Le dernier? Vert, je pense. Non, pas le chevalier vert. Le rouge, le blanc, le noir. Non, il n'y a personne qui sait dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Je pense que c'est vert. Hein? Bon, le vert, c'est la vie. C'est le symbole de la vie, n'est-ce pas? La végétation, c'est la vie. Ouais. Alors, la vie, c'est celui qui précède tous les autres. Hein? Ouais. La vie a toute son exubérance, etc. Ensuite, les analogies avec les temps. On parle des milléniums. Mm-hmm. Oui, les millénaires. On dit que dans l'Apocalypse aussi, qu'aux yeux du Créateur, 1000 ans, c'est comme une minute pour la vie de l'homme, parce qu'il n'y a pas de temps véritablement dans le cosmos, dans l'univers. Le temps, c'est une illusion créée par l'insuffisance de nos sens. Le temps et l'espace n'ont pas d'existence. Si vous regardez à travers un microscope, vous croyez voir un grand précipice. À ce moment-là, vous n'avez rien que 6 pouces de cylindre. Hein? Alors, l'espace a perdu sa signification véritable. Il n'y en a pas de signification. Et quant au temps, même temps, est élastique. Si vous êtes heureux, ben, le temps passe avec une rapidité étonnante. Et si vous êtes en souffrance, ben, le temps est une véritable tyrannie. Alors, le temps et l'espace sont deux modes de perception de la matière qui sont nécessités par l'imperfection de nos sens, mais qui n'ont pas d'existence dans le cosmos. La bête dans l'Apocalypse a sept têtes. La bête a sept têtes, oui. On y met un chiffre aussi, on dit c'est le numéro 666. Hein? On en a déjà parlé, puis on a constaté que c'était un nom, le nom, le chiffre de la bête et aussi le chiffre de l'homme. Alors, on a, par numérologie, on a attribué ça au chiffre 9. Hein? 3 fois 6, 18. 18, c'est 1. En réduction théosophique, c'est 1 et 8, ça fait 9. 9, c'est l'apex de la civilisation. Ouais. Parlant de civilisation, une autre question ici. Vous qui avez réalisé le grand œuvre, croyez-vous que l'homme de la sixième race pourra garder son corps physique aussi jeune qu'il le voudra, du moment qu'il respectera les lois naturelles comme le propose Madame de Sergerie? La sénescence, le vieillissement, est causé par un ralentissement du processus vital, la prolifération des cellules. Quand vous êtes jeune, les cellules se reproduisent avec une certaine rapidité et sont toujours saines jusqu'à un certain âge, jusqu'à la maturité. Et l'élixir, j'allais dire l'élixir, par modestie, excusez, a pour effet d'accélérer la croissance et des cellules. Et si les cellules croissent ou se reproduisent avec une vitesse normale, il n'y a pas de sénescence, il n'y a pas de vieillissement qui puisse s'emparer de vous. Et quant à conserver son corps indéfiniment jeune ou en état de réponse immédiate avec l'environnement, c'est possible à tous les âges. Parce que l'âge, c'est un état d'esprit. Le vieillissement, c'est un état d'esprit. C'est le corps qui vieillit, mais on peut le maintenir en état d'harmonie avec notre environnement. Ce n'est pas une chevelure plus ou moins enivelée qui est résultat de l'âge. On dit souvent qu'on tombe en deuxième enfance quand on vieillit. Là. Quelqu'un qui n'a pas le cancer, peut-il bénéficier de votre huile pour d'autres sortes de maladies ou est-ce qu'elle n'est efficace que pour le cancer? Oui, toute impureté cellulaire, toute croissance anarchique disparaît, comme je disais tout à l'heure, comme de la glace fond dans l'eau chaude. Parce que ça réactive le processus de reproduction des cellules et ça le revivifie. Alors que ce soit un cas extrême de cancer ou bien que ce soit simplement une intoxication ordinaire, l'épuration a lieu immédiatement, c'est-à-dire dans l'espace de temps qui est requis pour épurer le système. D'après vous, est-ce qu'il est bon de sortir de son corps physique avec le corps astral? On le fait tous inconsciemment, sans le réaliser, mais seulement on n'en a pas de profit parce qu'on ne se souvient pas, on s'imagine que c'était des fantasmagories. Mais on sort tous de notre corps, on s'extériorise et immédiatement, dès que l'on cesse de s'activer physiquement. Vous n'êtes pas en contact avec votre environnement extérieur, alors vous êtes en contact avec votre environnement intérieur. Et l'environnement intérieur, c'est tout l'espace environnant. Et vous êtes aussi près des antipodes quand vous rêvez à une personne aimée que vous le seriez à proximité immédiate. Non seulement c'est possible à tout le monde de le faire dans des conditions favorables et en prenant la technique qui y mène, et c'est bienfaisant pour tout le monde, afin qu'il réalise que cette scaphandre, ce revêtement de chair, n'est pas une prison ou une camisole de force dont on ne peut pas se séparer. C'est possible à tout le monde de le faire. Il y a des techniques qui mènent à ça. Les techniques ne sont pas très élaborées. Si on les comprend, on peut les mettre en application, puis dans de très peu de temps, je dirais une quinzaine de jours, vous avez maîtrisé les techniques de ce qu'on appelle communément sortie en astral, ou de décorporation, ou d'extériorisation. Ça consiste simplement à immobiliser le corps, l'immobiliser, c'est-à-dire cesser de vous activer, et de cesser de penser aussi, parce que le cerveau fait partie du corps, et il dépense d'énergie. Alors, si vous faites une concentration, une extase intellectuelle, immédiatement, vous sentez d'abord, comment respirer par la peau, puis vous dégagez graduellement de votre corps. Et subitement, vous dites non, mon corps il est en dedans de moi. Moi, je ne suis qu'un œuf d'énergie, qu'une forme d'énergie, un gros œuf de lumière. Et vous dites, qu'est-ce qu'il y a d'étrange au milieu de ça? Alors, ça, c'est votre corps. Hein? Alors, ça peut vous arriver subitement, ça. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, puis tout d'un coup, vous tombez dans votre corps, puis vous sentez ce pétillement. Ah, je rentre dans mon corps. Il y en a qui c'est arrivé spontanément. D'autres ont peiné pendant des semaines pour atteindre ce résultat-là. Puis quand ils l'ont atteint, ils se sont demandé comment ça se fait, je n'ai pas pu le réussir auparavant. Il s'agit d'endormir le corps, de faire interruption du contact des sens avec le monde extérieur. Dans le silence, dans l'isolement et dans la détente totale, aussi totale que possible, vous pouvez tous atteindre cet état-là de décorporation. C'est plus facile qu'on pense. Et il s'agit de le vouloir, de le désirer et de prendre les conditions propices à l'obtention de cet état-là. Et c'est désirable et bienfaisant. Surtout parce que ça nous donne la conscience que nous ne sommes pas cette enveloppe charnelle. Ce n'est rien qu'une scaphandre, un revêtement. Vous, vous le faites? Le voyage astral, le dédoublement astral? Voici, moi, ça m'est arrivé, je ne dirais pas par pire accident, une grâce bienfaisante qui m'est arrivée il y a quelques années. Enfin, j'étais tout jeune. J'avais absorbé un... Non, c'était pas du cognac. C'était... du chloroforme. Et j'ai commencé à respirer par la peau quand je commençais à suffoquer. Et immédiatement après cette suffocation, je me suis vu debout à côté de mon corps qu'on était en train de taillarder pour une blessure. Et là, j'ai constaté que l'extériorisation, c'est une chose aussi facile à faire. Aujourd'hui, je peux le faire assez facilement. Est-ce que ça vous permet d'aller dans des sphères de connaissances qu'on appelle les universités cosmiques ou... Voici, on parle de sphères qui impliquent le mot espace aussi. Ce sont des sphères concentriques. Mais, comme je me répète, il n'y a pas question d'espace ni de temps. C'est des états d'esprit, plutôt des modes vibratoires, une conscience sublimée, une conscience élevée. Hein? Alors... Les sphères, oui, j'accepte le terme, mais ce n'est pas en termes de spatialité. Ouais. Comme des universités cosmiques, des centres d'énergie, oui, d'état de conscience. Oui, ces centres d'énergie, on a tous leur concordance dans le corps. Tous les centres d'énergie, tous les centres de conscience, les plans de conscience, les planètes, ont leur répercussion dans notre système. Alors, j'avais le plexus solaire ici. Qui vous met en contact avec le soleil, l'énergie solaire. Hein? C'est pas sans raison que les anatomistes ont appelé cet organe-là le plexus solaire. C'est parce qu'il convertit l'énergie solaire en énergie humaine. Ici, vous avez un centre supérieur, vous avez le centre cardiaque. Alors, tous ces centres-là, vous les avez dans votre système. Les récepteurs sont là. Alors, pour contacter l'énergie solaire, ben, vous respirez solairement par le plexus solaire. C'est une mode de respiration bilatérale par les deux narines et c'est le plexus solaire qui en bénéficie. Comment êtes-vous devenu alchimiste? Est-ce que la table d'émeraude fut un élément important dans votre évolution en alchimie? Oui, la table d'émeraude, c'est le codex de Hermès Trismégiste hein, qui nous dit textuellement « Ce qui est en bas est semblable n'est que la réflexion de ce qui est en haut », c'est-à-dire que la terre n'est que la cristallisation du plan supérieur. Mais ce n'est pas par contemplation ou étude des textes alchimiques que j'ai appréhendé la réalité de cette chose-là. On m'avait fait traduire un texte du 16e siècle, il y a quelques années, au séminaire, et je l'avais traduit. Ça s'appelait « La renaissance de l'âge d'or ». C'était écrit par un rosicrucien du temps, Jacob Böhm, je pense, celui qui a écrit le Mysterium Magnum. Hein? Alors ça m'a fait réaliser qu'il y avait quelque chose qui dépassait la portée de nos sens, et c'est ça qui m'a mis, comme on dirait vulgairement, la puce à l'oreille. Et pendant... 13 ans, quoi, de 1926 à 1939, j'ai fouillé dans toutes les bibliothèques du monde pour me procurer des traités qui avaient trait à cette science-là. Et après une interruption de 6 ans de guerre comme correspondant, j'ai repris le travail au laboratoire et j'ai réalisé que c'était la chose la plus importante au monde. Puis c'est ce qui nous fait réaliser la véritable raison de notre existence. Parce que c'est de se connaître, de se réaliser, de se compléter et d'atteindre notre destin. J'ai terminé les questions qui sont écrites sur papier. Maintenant, le reste de la soirée, on a un très bon invité. Soyez un bon public. Allez-y avec vos questions. Oui, madame. On parle de l'événement du mois de février 1983. Je suis obligé, Alex Lachance, de répéter les questions pour que les gens sur la cassette comprennent. Je comprends, madame. J'ai bien compris, madame. Attendez, M. Lachance, c'est que oui. Moi, il faut que je la répète pour que les gens à la maison qui ont la cassette puissent savoir sa question parce qu'on n'a pas de micro dans la salle. Alors, madame demandait si pour l'événement de février 1983 dont on parle, ou on parlait au début dans la première partie de la soirée, si une dame qui est enceinte va enfanter à cette époque-là, ça va produire un enfant extraordinaire. Voici, madame, l'astrologie, l'astrosophie nous enseigne que le premier moment de contact avec la vie, soit la première insufflation, détermine le cheminement de toute notre vie, ou du moins les prédispositions que nous subirons au cours de notre vie. Ce sont ce qu'on appelle communément les horoscopes. Je vais tenir une certaine heure dans un certain secteur. Alors, vous aurez telle et telle prédisposition, telle et telle tendance. Ce ne sera pas des compulsions, mais vous aurez tendance à suivre tel et tel cheminement selon la position des dynamismes solaires, des dynamismes stellaires qui vous entourent. Si c'est Mars qui prédomine dans votre horoscope, bien, vous serez combatif, acquisitif, agressif, etc. Si c'est Vénus, bien, vous serez plutôt tendance à l'émotivité. Bon. Alors, un phénomène tel que celui qui va se produire ici, ça va donner plus de lumière sur le plan astral. Parce que l'astrologie nous enseigne, et l'astrosophie surtout, que ce n'est pas le corps proprement dit qui subit l'influence des astres. C'est le corps psychique ou le corps spirituel, le corps éthérique qui subit cette influence-là. Alors les personnes nées, puis il y en aura des milliers, vous savez, à ce moment-là, des milliers, auront plus de chance de voir clair dans le cheminement de leur vie que d'autres qui sont nés dans une période d'obscurantisme. Est-ce qu'on pourrait presque penser qu'il y en aura un qui naîtra comme un Christ? Le Christ est un personnage extraordinaire et exceptionnel. C'était la culmination de plusieurs incarnations précédentes. On est avec un héritage, un atavisme ancestral qui est le résultat de nos expériences antécédentes, nos vies antécédentes. Je ne veux pas vous imposer la croyance de la réincarnation, mais je dirais simplement, je suis convaincu que tout se réincarne dans l'univers. La feuille du rosier, la pétale d'une rose, la saison précédente était la feuille du rosier. Et dans sa deuxième incarnation, la deuxième saison, elle est devenue la pétale d'une rose. Alors, semblablement, une personne qui manifeste des prédispositions spirituelles dès sa bas âge, c'est parce qu'il y avait eu un héritage spirituel préacquis dans des vies antécédentes. Le cas du Nazaréen, de Jésus, notre maître, à tous, c'est un cas comme ceci. Il avait été guidé par une secte qu'on appelait les Esséniens, fondée par Samuel, 800 ans avant Jésus. Et tout cet héritage ancestral a contribué à le rendre l'être le plus spirituel de tous les temps judéo-chrétiens. Et il y en a, c'est pas un cas unique. Avant le Nazaréen, il y a eu plusieurs avatars, plusieurs, illuminés qui l'ont précédé, puis il y en a eu qui l'ont suivi aussi. Mais nous, on concentre sur le nôtre, qui nous convient très bien, parce que c'est celui avec lequel on est le plus familier, pour lequel on a le plus de révérence. Alors, ces gens-là, qui manifestent des prédispositions spirituelles, c'est qu'ils ont, ils bénéficient de souvenances, de réminiscences, de vies antécédentes, passées dans le domaine de la spiritualité. Et Jésus, c'est le cas le plus exceptionnel, qui s'est souvenu, de son héritage préacquis. Y a-t-il une autre question? Oui, sur le bord du mur, là. Oui, madame. Sur le mariage alchimique, Alex. Oui, les noces alchimiques. J'ai mentionné tout à l'heure que dans la boîte crânienne, qui est la dernière vertèbre, il y a deux joyaux. La glande pinéale et la glande pituitaire. Ces deux glandes-là, ils vibrent avant que toute sensitivité puisse s'emparer de nous. Et quand ces deux glandes-là vibrent à l'unisson, vous subissez une exaltation, que ce soit dans le moment privilégié, ou bien que ce soit dans un moment de concentration solitaire, là, vous subissez la fusion de ces deux glandes-là. Vous vous androgynisez, ça, c'est la voie sèche, hein? La voie unique, la voie du moine. Hein? Alors, l'élément féminin s'éveille dans l'homme, et l'élément masculin s'éveille dans la femme. Et ça, c'est le mariage mystique, des deux plans qui sont dans l'équilibre chez le mâle ou chez la femelle. Et quand ces deux glandes-là vibrent à l'unisson, c'est ce qu'on appelle le mariage mystique. Ça répond bien à votre question, madame. Une autre question? Oui, juste ici en avant. Que pensez-vous des maîtres des Indes d'Orient? Oui, il y a toujours eu des maîtres et des disciples. Mais comme les maîtres sont des êtres humains, ils ont tous leur côté préjudicié selon l'héritage qu'ils ont eu. Ceux de l'Inde, par exemple, ils ont tendance à mettre préférence sur les avatars de l'Inde, que ce soit Krishna, que ce soit Gautama, que ce soit Siddhartha ou tout cela. Alors, ils ont pris un modèle quelconque. Ils ont visé à une spiritualité. Mais pour nous, de la lignée judéo-chrétienne, le maître unique qui nous convient le mieux et qui a été le plus lucide dans l'explication de la vie spirituelle, c'est le maître de Nazareth, le Nazaréen, Jésus. Bill Spalding, n'est-ce pas? Oui. Oui, il parle de Jésus, oui. C'est le maître des maîtres, on peut dire, oui, le plus grand de tous, oui. Ah oui, Albert Spalding, oui, Bert Spalding, oui. Blair Spalding, n'est-ce pas? Une autre question? Oui, Blair Spalding, oui. Oui, monsieur. Quand on a atteint la maîtrise, ben, on a atteint le plan supérieur, et quel que soit le vocabulaire que l'on emploie, que ce soit du vocabulaire hindou ou bien le vocabulaire judéo-chrétien, ça vise toujours au même résultat, atteindre la spiritualité qui est la maîtrise de soi. Mais un maître, véritablement, c'est celui qui a maîtrisé ses instincts inférieurs et ses propensités purement matérielles. Ça, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise de soi. Puis le maître réside en dedans de nous. Ouais. En dedans de nous tous. Ouais. Le rôle de l'énergie sexuelle, je veux bien, oui. D'abord, toute énergie dans le monde est bipolaire. Que ce soit l'électricité, vous avez l'anode, le cathode, que ce soit dans n'importe quel domaine. Il faut qu'il y ait deux pôles pour qu'il y ait de l'énergie de manifester. Et l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui a été sectionnée, qui a été divisée en deux pôles. Et quand ces deux pôles-là sont réunis, ce n'est plus de l'énergie sexuelle, c'est de l'énergie unifiée. C'est pour ça qu'elle est si solitaire, si bienfaisante et si désirable. Alors, oui. Alors, cette énergie-là, quand elle est fusionnée avec son pôle opposé, génère la béatitude. La béatitude sur tous les plans. Sur le plan biologique, aussi bien que sur le plan psychique et affectif, etc. Alors, ça, c'est l'énergie sexuelle. C'est une forme d'énergie qui a été bifurquée, disons. Alors, pour la réunir, réunir les deux pôles, bon, on a recours aux méthodes qui nous ont été léguées par notre héritage. Comment expliquer à ces conditions-là que les prêtres soient obligés d'être... Bonne réponse. Pas de commentaire, permettez. Le Christ, par contre, on pense qu'il n'y a pas eu de vie sexuelle, il ne s'est pas marié, il n'y a pas eu de petits. Ah ah! Cependant, les femmes étaient toujours à côté de lui. Hein? Les saintes femmes. Il y a toujours eu des femmes autour de lui. Toujours. Ce qui a fait sa grandeur, c'est à cause qu'il y avait tellement de belles femmes autour de lui, Marie-Madeleine et compagnie, tout ça. Hein? Il l'aimait bien. Ah oui. Même c'est à son sortir du tombeau, c'est une femme qui était de rencontrer. Rabboni, my darling. Rabboni, cher maître. Ah oui. Autrement, on l'appelait Rabbi. Mais Marie-Madeleine, qui l'a rencontré dès que c'est manifesté, elle l'appelait Rabboni, mon cher maître. Mais la sexualité comme ça, Alex, ce n'est pas nécessairement la génitalité Non, mais non, la sexualité passe sur le plan spirituel, sur le plan supérieur. Et qu'à mesure que ça descend, tout le long de l'arbre de vie, jusqu'au chakra racine, ça devient tout simplement la biogenèse. La biogenèse. Donc, même si le Christ était entouré de belles femmes, il faisait pas l'amour avec elles? Pas nécessairement. Si on prend la chance de faire l'amour sur... non, pas nécessairement. L'amour, ce n'est pas nécessairement le contact des deux épidermes. Excusez la phrase de Voltaire, mais c'est de l'employer. L'amour, ce n'est pas le contact des deux épidermes. Puis quand on dit faire l'amour, c'est ce qu'on veut dire la plupart du temps. Hein? Mais les relations les plus importantes, les plus spirituelles, c'est d'homme à homme, fusion de deux âmes. Puis d'ailleurs, le contact physique vise à ça, l'union des âmes, c'est pas le contact proprement dit, c'est ce qui suinte à travers l'objet que l'on épouse, hein? Non. Le corps ne sert que de véhicule d'une énergie spirituelle et que l'on met en branle par le processus d'amorisation. Hein, le terme est-il acceptable? Bon. Alors, mais ce qui est important, ce n'a pas été le contact proprement dit, ça a été ce qui en est résulté, l'union, la fusion de deux êtres, hein, l'unicité de deux êtres, mais sur le plan spirituel. Ouais. Le corps n'a servi que de véhicule. C'est comme, on parle de, on dit que les, voyez-vous, j'en prends le terme, Reich appelle ça l'organe, c'est une énergie qui est universelle, hein, qui s'empare de tous les êtres qui se rapprochent les uns de l'autre. On dit que l'ampoule électrique là, ne produit pas d'électricité, hein, ne produit pas de lumière. Mais quand elle est irritée ou stimulée par le contact des fils de tungstène, là, l'électricité qui est omnilatante, qui est partout présente, s'empare de cette ampoule-là, puis lui fait générer de la chaleur et de la luminosité. Semblablement, les participants à l'union ne produisent pas l'énergie qui s'empare d'eux. C'est l'âme universelle qui s'empare d'eux quand ils sont élevés au mode vibratoire qui est nécessaire pour que cette énergie-là s'infuse en eux. Mais ce n'est pas d'eux que l'énergie vient. L'énergie vient de l'âme universelle, du principe animique, qui s'empare d'eux quand ils ont élevé leur mode vibratoire afin que ça puisse s'emparer d'eux. Mais ce n'est pas eux qui génèrent l'énergie. Ils ne sont que le véhicule. Alors, ravaler l'acte génésique, l'acte érotique, à un contact de deux épidermes, c'est mal comprendre le phénomène. Ce n'est pas un phénomène, c'est quelque chose de spirituel qui s'empare des individus. Puis c'est ça que l'on cherche en réalité. Ce n'est pas un assouvissement, ce n'est pas une irritation glandulaire, ou bien ce n'est pas simplement un éternuement. Alors... Oui. Croyez-vous, Alex, qu'il y a dans la sexualité les grands mystères de l'équilibre de l'humain? Oui, tout ça vise à l'équilibre. L'équilibre, c'est la fusion des deux éléments de notre nature, le côté actif, le côté passif. Alors, l'équilibre, c'est l'harmonie totale. Une chose qui est bien équilibrée est en harmonie avec tout le reste de l'environnement. S'il y a un déséquilibre, ben il y a un désaccord quelconque, une anarchie dans tous les règnes de la nature. Et la nature vise à l'équilibre sur tous les plans, dans tous les règnes. Autre question? Oui, madame. Juste... Oui. Je parlais, n'est-ce pas, de tantrisme tout à l'heure. Hein? Le tantrisme qui a été beaucoup ravalé, mais vise à produire une union des participants afin que ce soit une fusion d'énergie plutôt qu'une départition de sécrétion glandulaire. Hein? C'est grossier d'employer ces termes-là, mais faut appeler les choses par leur nom, n'est-ce pas? Bon. Alors, l'acte génésique, l'acte érotique vise à fusionner deux âmes. Et la nature s'empare des participants pour atteindre ses propres fins, pour engrosser une ovule, etc. mais c'est le but secondaire. Le but principal, c'est de fusionner deux âmes afin qu'elles soient unifiées respectivement et collectivement. Et l'acte sexuel, puisqu'on en parle, pourquoi pas, l'acte sexuel vise à unifier deux êtres. Puis, ça prend tellement d'importance que quand c'est poussé à son zénith, qu'il n'est plus question... Par exemple, deux personnes se rencontrent, ils se donnent la main. Est-ce que ça a de l'importance de se donner la main? Non, c'est l'échange d'énergie qui s'est manifesté, n'est-ce pas? Qui s'est véhiculé à travers ça. Oui, monsieur? Ah. Alors, une question de ce côté-là, oui? Pardon, il y a Phil Valentin. Oui. Oui, ça c'est après avoir fait subir le magistère. Le mercure est omnilatant, il est universel. Il existe partout. Dans certaines conditions atmosphériques, vous regardez dans le vide, vous voyez des millions, des billions de petites particules de lumière. Avez-vous déjà fait cette observation-là? Comme c'était des cristaux de neige infiniment petits qui scintillent devant vous. Ça, c'est le mercure universel. On dit que le mercure est le messager des dieux. C'est une entité véritable. Et Basile Valentin en parle dans ce sens-là. On peut recueillir le mercure dans la pierre, on peut le recueillir, on le recueille d'abord sur les draps, hein, dans la rosée. Et ce mercure-là, il faut qu'il ait passé par tous les processus du magistère avant qu'on puisse le manipuler. Mais le mercure, c'est une substance spirituelle, d'abord, qui enveloppe toute l'atmosphère, Ça, c'est le mercure universel. Dans les Védas, on dit que les vimanas qui transportent les êtres dans l'espace circulent à l'aide de l'énergie du mercure. Oui, justement. Les vimanas sont les vaisseaux spatiaux. Dans les Védas, dans les Upanishads, il y a beaucoup de questions. Puis dernièrement, on a révélé que la force motrice des vimanas ou des engins interspatiaux n'est pas un combustible ordinaire. C'est simplement de l'énergie mercurielle qui est employée. Ça, c'était révélé. C'est pas Mercure qui a des ailes aux pieds là, pour voler dans les airs, puis des ailes à la tête? Oui, Mercure est symbolisé avec des pétasses, avec des ailes aux pieds et des ailes à la tête aussi, parce qu'il est volatile. On dit que Mercure est volant, il est universel. Je le répète, on dit que c'est le messager des dieux, d'évolution divine. Alors, le Mercure est omnilatant, puis il se promène partout, parce que l'atmosphère. L'atmosphère est mercurielle. Et pourquoi Mercure porte aussi le caducée de Mercure, là, les deux serpents entrelacés? Ce serpent entrelacé, nous l'avons en nous. C'est le rachiche, l'épine dorsale, avec les deux courants d'énergie qui montent le long de Ida et Pingala. On a deux nerfs tout le long de l'épine dorsale du grand sympathique. Et ces nerfs-là, on les alimente par notre respiration. Et la respiration va en spirale comme ça. Elle est spirituelle. Puis c'est du feu. Vous avez dans le mot spirituel, vous avez le mot pire. Pire, c'est feu, n'est-ce pas? Alors, ce que l'on respire, c'est du feu. Et le feu, en passant par les poumons, devient cette énergie qui monte en spirale le long de l'épine dorsale. L'un qui monte dans une certaine direction, l'autre dans l'autre. C'est la double spirale de l'ADN ou l'ARN. Hein? On en parle beaucoup de la double spirale depuis quelque temps. Hein? Énergie ribonucléique. Hein? Alors, le mercure, on vit à l'aide de ce mercure-là. Et on convertit en énergie solaire par le plexus solaire et en d'autres formes d'énergie par les plexus supérieurs. On a une dame juste ici en avant qui a une question. Oui, si vous y introduisez un seul que si vous y introduisez de l'énergie solaire, l'huile ne sert que de véhicule, parce que c'est quelque chose de plus pur. Hein? Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, que le Saint-Crème est composé d'huile d'olive et de baume que l'évêque consacre chaque année au Jeudi Saint. Et pourquoi cette dernière phrase? C'est parce que le Jeudi Saint a une influence d'énergie solaire sur la Terre. Mais l'huile, par elle-même, n'est que le véhicule de cette énergie qui vivifiera votre système. On s'en passe? Pas nécessairement, non, pas nécessairement. Oui. Ah oui, il y en a bien qui en ont eu. Ah, depuis une dizaine d'années, j'en ai distribué peut-être. On les fait venir? Oh non. Je vous fais venir. Non, il y en a plusieurs qui sont venus chez nous puis ils ont éprouvé cette chose-là. Mais on fait pas ça au galon. Moi, j'en ai une petite bouteille. Une petite bouteille que je fais des impositions, des crucifications, j'appelle comme ça. Juste un petit tampon sur la crucifix et tout au fond. Et ça peut durer indéfiniment. J'en ai toujours conscience. D'abord, ça éveille votre pinéale ici. Puis devenez conscient de votre champ magnétique. Hein? Puis la multiplier. Ah, certainement qu'elle se multiplie. Mais oui, elle se multiplie. Ben oui, la dernière opération de la chimie, on appelle ça la multiplication. Ça va de 10 en 10. 10 en font 100, 100 en font 1000. Hein? On ne va pas plus haut que ça. Alors, une goutte peut faire à peu près 3 onces. Ouais, 3 onces. Vous êtes bienvenue, madame. Monsieur. On n'a pas le droit de s'enlever la vie. C'est quelqu'un qui s'enlève la vie. Il arrive quoi? Il meurt. Bon. Oui, c'est s'enlever la vie. C'est une injustice à soi-même. Puis envers, une grande insulte envers le Créateur. Je te donne quelque chose en veux pas, tu me le jettes en pleine face. Hein? T'en auras plus. Tu vas être mis à la refonte. Non. Il redevient pas. Il prend pas notre corps. On parle de la réincarnation. Oui, ben, oui. D'abord, on a été mis sur la Terre pour atteindre une fin. Cette fin-là, c'est l'expansion de la conscience. Et la Terre, c'est le creuset de notre évolution. Et malgré que parfois, la vie peut être bien pénible, si on regarde du bon œil, on va voir qu'il y a toujours une lumière en avant de nous. Non, on n'a pas droit, c'est un crime contre nature de s'enlever la vie. Comme ça, vous êtes d'accord avec le phénomène de réincarnation? Mais sans doute, la nature tout entière se réincarne incessamment. C'est ça qui fait l'évolution des espèces aussi bien que tout. Mais s'enlève la vie, ça réincarne pas. Je ne suis pas en mesure de parler en connaissance de cause dans ce domaine-là. Mais s'il s'enlève la vie, bien, il refuse le plus beau don que le Créateur puisse lui donner. Il se l'enlève, il devient anéanti. Hein? Parce que la vie, c'est la conscience. Bon. Alors, s'il s'enlève la vie, il détruit tout ce qu'il a acquis au cours de sa vie, puis il pense hein, qu'à les devoirs qu'il a subis. Alors, c'est une sottise. Hein? On a quelqu'un au fond complètement de la salle. Oui, l'huile que vous avez faite, M. Lachance. Oui. Oui, pourquoi vous n'en donnez pas dans tous les hôpitaux? Non, tous, non. On n'est pas sûr pour ça. Je l'ai fait dans quelques hôpitaux. Puis, oui, depuis une couple d'années, j'ai eu quelques résultats assez probants, assez bienfaisants, puis satisfaisants. On a parlé dernièrement dans les journaux un certain hôpital, ou un quoi de cancer. Royal Vic. Hein? Royal Vic. Oui, oui. Royal Victoria. Oui, Royal Victoria, oui. Ouais, chose comme ça. Oui, je ne peux pas me promener incessamment. Hein. Si les gens viennent chez moi, ben je m'efforce de les aider autant que possible. Des fois, j'y vais quand ça me permet. Mais je demeure loin de Montréal. Hein. Je demeure à 40 000 de Montréal. Et quand l'occasion se présente, je fais ce que je peux. Quand il n'y a pas trop de monde chez vous. Oui, oui. On a quelqu'un au fond, là-bas. Pour la réincarnation, si on y croit, avec qui on communique quand on fait une séance de spiritisme et qu'on communique avec les morts? Souvent, vous êtes en contact avec le bas astral, des désincarnés qui ne sont pas encore adaptés à leur nouveau mode de conscience, qui sont encore attachés à la Terre, pour ainsi dire, qui ne veulent pas admettre qu'ils ne peuvent plus contacter la matière, qui se rebellent contre ce nouvel état, qui cependant est très désirable. Alors, ces gens-là sont, comme on dirait, liés à la Terre, ou les appétences de la Terre, ils interrompent leur évolution. Et tôt ou tard, ils réalisent que ça ne sert à rien de rester dans l'infantilisme terrestre. Alors, ils se réconcilient au plan céleste. Mais il y en a toujours des gens qui sont attachés aux joies de la Terre, ce qu'ils appellent des joies transitoires, et ça retarde leur évolution. Parce que la Terre n'est que le tremplin d'une évolution. Et il y a plusieurs plans d'ascension. Et le plan immédiatement supérieur a sa raison d'être, aussi bien que le plan prénatal a sa raison d'être avant la vie organique. Alors, il y a sept plans, puis sept plans de conscience, c'est la loi de l'octave. Et quand on a extrait de la vie terrestre tout ce qu'on peut en extraire, on est prêt à monter de grade, pour ainsi dire. Et là, on est en mesure d'en profiter, puis de faire notre ascension vers la maison du Père. Ouais. Mais il y a plusieurs stages, puis le premier stage, mais celui-ci, le stage prénatal, qui est la préparation pour notre organisme physique. Ensuite, ça, le stage terrestre, proprement dit. Et à la fin, quand on a puisé tout ce que la matière peut nous céder d'expérience, là, on est prêt à céder notre enveloppe, dire, là, je suis gradué, je change de classe. On a quelqu'un au milieu de la salle, oui. Parler de l'avortement. L'euthanasie, la mort douce, l'avortement. Bon, très bien. L'avortement, c'est un crime contre nature aussi. Et l'euthanasie, c'est un crime contre soi. Ouais, l'euthanasie, il y en a qui l'appliquent aux autres. Même dernièrement, on a constaté que des gens s'imposent à eux-mêmes la mort douce. Quoique aux États-Unis, on a logé longtemps sur la légalité de produire une mort facile, une mort lente, là où il n'y avait aucune possibilité de guérison. Mais ce sont des anomalies. C'était créé par l'homme. Puis l'homme a tendance à errer dans bien des cas comme ça. La vie, c'est un don précieux. On doit la cultiver, la chérir et en profiter à tous les états, quelle que soit notre condition. Il y a toujours quelque chose de beau à en extraire. Et l'euthanasie dans des cas incurables. Enfin, moi, je dirais qu'un homme est réduit à un état de vulnérabilisme. Il n'y a rien à espérer de la vie, mais il y a une vie intérieure dont les témoins ne sont pas conscients. Une personne dans un état pratiquement d'inertie peut vivre une vie intérieure très intense, une vie même profitable. Et au dernier moment, je pense qu'ils veulent se raccrocher à la vie. On a vu bien des gens faillir dans un suicide, puis qui ont voulu revenir sur le plan terrestre afin de recommencer tout en neuf. Non, ces deux choses-là ont été créées par l'homme, c'est des choses tout à fait erratiques, et c'est antinaturel, c'est contre nature. Aussi bien l'euthanasie que l'avortement. On avait une autre personne au milieu, oui. C'est monsieur là qui est debout, excusez. Oui. L'art de la musique, oui. Ben, c'est de la... Bon, je dirais de la rythmosophie aristotélienne ou bien pythagoricienne. Il y a trois lois dans le cosmos, dans l'univers. La loi trinitaire, la loi de la Trinité, les trois plans, le plan dynamique, le plan magnétique et le plan équilibrant. Puis la loi de l'octave, c'est la répétition de la première gamme. Puis la loi du duodénaire, la loi de 12 aussi. Alors, l'octave, c'est la répétition de toute la gamme. Prenez de Do et la tonique, l'hypertonique, ce sera Do supérieur, une octave plus loin. C'est la répétition sur un plan supérieur d'un certain mode de vibration qui est plus élevé. Et dans le mode spirituel, il y a des octaves aussi. Ici, nous sommes sur une octave grossière, à un degré du clavier cosmique. Et quand vous montez d'octave, c'est encore le même mode de vie, mais sur un plan supérieur, des vibrations supérieures, qui nous font apercevoir des réalités plus subtiles que celles que l'on prenait sur le clavier grossier. C'est la loi de l'octave. La répétition. Oui, monsieur. Là, on est rendu à madame, ici, en avant. Madame. Canaliser l'énergie, bon, voici. On a l'habitude, c'est-à-dire, on est, malgré nous, on respire par une narine à la fois. Vous respirez pendant 55, 58 minutes par une narine, puis elle se bouche, et ensuite ça, vous respirez par l'autre. Bon, si on prend l'habitude de respirer toujours par les deux narines, on équilibrera notre énergie au point où on sera toujours conscient des plans supérieurs. C'est ce qu'on appelle une respiration bipolaire. Et si vous pratiquez cette chose-là, c'est devient tellement habituel chez vous, vous direz, mais je ne vais jamais respirer comme ça auparavant, je vais jamais réaliser que je pouvais respirer de l'ozone, parce que c'est de l'ozone que vous respirez alors. De l'air électrisé ou électrifié, si vous voulez. Alors, le moyen, c'est le moyen le plus efficace, respirer à plein poumon et par les deux narines afin de bien équilibrer votre entité cellulaire. Là, vous êtes conscient de choses qui dépassent absolument votre perception. Ça sera une façon de se préparer pour les événements du mois de février. Oui, oui. D'abord, réaliser que tout ce qui arrive dans l'univers, dans le cosmos, aussi bien que dans notre vie personnelle, c'est pour notre bien-être. C'est bienfaisant. Puis ce qui va arriver, c'est pareil comme un lever de soleil, ça va être quelque chose de bienfaisant. On accueille le soleil. Hein? Les anciens, on disait qu'ils étaient des adorateurs du soleil. Non, ils réalisaient simplement que le soleil, c'était la source de toute vie. Et ce grand soleil, que ce soit la réflexion de Sirius, du soleil central, ce sera quelque chose de bienfaisant. C'est une boule de lumière, mais ce n'est pas nécessairement une lumière physique, c'est une boule d'énergie et d'énergie spirituelle qui va vivifier le monde. On a quelqu'un là. Oui, on fait ça depuis longtemps. Alexis Carrel, il y a plusieurs années, c'est l'homme qui a écrit « L'homme, c'est inconnu ». C'est le premier qui a fait une ablation. Une extraction du cœur, puis après l'avoir désintoxiqué, l'a remis. Et aujourd'hui, en Afrique, M. Barnard, je pense, Dr. Barnard, qui a fait des greffes de cœur. Le cœur, c'est un organe. Hein? Et, je m'en pardon? Parle de chakra cardiaque. Chakra cardiaque, oui. En quoi un chakra? Voici, le chakra, c'est spirituel. Tandis que l'organe qui y correspond est matériel. Mais vous n'enlevez pas le chakra. Vous n'enlevez pas le chakra, on ne peut pas l'enlever, c'est quelque chose de spirituel. Un chakra, c'est un tourbillon d'énergie. Ils sont tous échelonnés tout le long de l'arbre de vie, mais on aurait beau faire de l'ablation des vertèbres, on n'enlève pas les chakras. Les chakras ressortent tout le temps. On peut faire l'abstraction du cerveau, mais on ne fait pas l'abstraction de l'intelligence. Puis les chakras, c'est spirituel. Ce sont des tourbillons de matière, mais de la matière tellement subtile qu'il faut qu'elle passe par les ganglions de l'épine dorsale pour se manifester. De ce côté-là, on a quelqu'un pour une question. Non. Oh, vous me flattez. Non, je ne veux pas flatter. Non, vous aimeriez vous faire casser les oreilles. Hein? Je ne veux pas. On demanda à M. Lachance s'il avait amené son violon. Quelqu'un d'autre à l'autre côté. Que pensez-vous des extraterrestres? La vie extraterrestre? Mais le cosmos tout entier est rempli de vie. C'est ça que vous avez dit, n'est-ce pas? La vie extraterrestre? Tout est rempli de vie. La Terre est peuplée par tous les plans de conscience du système solaire, à partir de Mercure, Vénus, Mars, etc. Bon. Alors, le système solaire tout entier est rempli de vie, plein de vie. La vie, c'est l'unique réalité dans le cosmos. Parce qu'on en pense, on dit, cela est, la vie est. Hein? Partout. Différents modes de manifestation, si vous voulez, mais la vie est. Que ce soit sur un véhicule charnel ou bien un autre véhicule de matière plus subtile, c'est de la vie. Puis de la vie, c'est la conscience d'être. Oui, la vie, c'est l'unique réalité. Puis sa qualité première, c'est la conscience d'être. Et après ça, vient la pensée, la cogitation. Encore une question? Mais non, malgré vous, vous allez voir quel phénomène qui se passe dans le ciel. Tous les gens vont sortir. Vous savez ce que M. Crème, je dis bien, a révélé au mois de juin dernier, hein, que ce phénomène-là sera tellement étonnant que les gens vont sortir sur les toits pour contempler cette chose-là. Hein? Parce qu'on dit que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis, qui n'a jamais été vu, ou du moins en mémoire d'homme. Alors oui, les gens ne seront pas effrayés de ça. Ils seront éblouis de ça. Éblouis, puis exaltés de voir cette chose-là. Ils réaliseront que la vie n'est pas rien que sur la Terre, puis que la source de vie, enfin, jaillit avec plus d'énergie qu'auparavant. Il n'y aura rien d'alarmant. Au contraire, ça sera très exaltant. pour tous ceux qui comprendront que c'est quelque chose d'infiniment précieux. Et voilà. Mais ceux qui ne comprendront pas? Ben, par l'exemple des autres, ils vont être affectés quand même. Contaminés? Contaminés. On a une dame juste là, oui. Du tarot. Bon, le tarot, c'est 22 glyphes qui sont représentés par les glyphes hébraïques, Aleph, Bet, Gimel, etc. Hein. On a le Butler, etc. Ce sont des hiéroglyphes, des symboles saints. Il y a plusieurs interprétations, interprétation chimique, interprétation astrologique, etc. On en a fait une méthode de divination aujourd'hui, d'onomancie. Il y a beaucoup de choses à extraire du tarot, avec beaucoup d'imagination, puis d'intuition, puis de connaissance des concordances qu'il y a entre l'âme du tarot et les plans spirituels. Alors, on a sorti dernièrement une douzaine de volumes sur le tarot de Swalwell, par exemple, avec le tarot de Marseille. C'est un traité spirituel. Ouais. C'est une forme d'onomancie, une forme d'interprétation du destin. Parce que chaque lame du tarot a une correspondance avec une situation dans la vie de l'âme. Ça commence par le battleur, vous savez, l'homme laissé à ses propres ressources, qui manipule les quatre matières sur sa table, hein. Les bâtons, les épées, les deniers, les coupes, etc. Alors ça représente les quatre états de matière que l'homme manipule, et tout le cheminement, la papesse, etc., aller jusqu'au folle, le dernier, sont des circonstances qui s'appliquent à la vie de l'homme et au cheminement de l'homme dans la vie. C'est un traité qui était intentionné d'avoir une portée spirituelle d'abord. Aujourd'hui, on a fait un jeu. C'est l'âme-là, ça part de Thoth Hermès, ça c'est très vieux le tarot. Le plus efficace, c'est le tarot égyptien. Je ne sais pas si on en a aujourd'hui, on en avait autrefois, le tarot égyptien. Là, on prend celui de Marseille. Ouais. Ça répondait bien à votre question? Quelle est la clé des sciences occultes? Si le tarot est la clé des sciences occultes, c'est une clé. Il faut me prendre par le bon bout, par exemple. Il faut me prendre par le bon bout. C'est spirituel. Oui, c'est un enseignement spirituel qui a beaucoup de ramifications, de concordances avec nos états d'esprit dans toutes les circonstances de notre vie. Puis quelqu'un qui est sage, qui a l'expérience de l'âme humaine, puis qui peut en approfondir toute la portée, est capable d'être très utile en interprétant les lames qui sont choisies par le consultant. Mais ça demande infiniment plus qu'une mémoire des concordances. Il faut avoir l'intuition. Puis, je le répète, la connaissance de l'âme humaine. Ouais. Monsieur, une question. Oui, il y a des plans, hein, des méridiens dans la Terre, aussi bien qu'il y a des courants dans l'espace. Alors, les courants telluriques, quand ils se rencontrent, produisent des champs magnétiques que certains peuvent détecter, par exemple par radiosaisie, hein, choses comme ça. Alors, la Terre, étant un être vivant, a une circulation. Puis, il y a des points à la surface de notre globe où la circulation est plus abondante et plus vivace, puis produit plus de magnétisme. Il y a certains terrains qui sont plus fertiles que d'autres. Alors, par radiosaisie, on peut détecter quelle est la nature du sol. Habituellement, où il n'y a plus d'énergie, on trouvera du radium. Partout où il y a eu la végétation en abondance, on a du radium, une poudre métallique que l'on convertit en radium. Alors, les courants telluriques, les courants de la Terre, ce n'est plus ou moins la circulation de la Terre. Cette circulation-là est dynamique et magnétique. Et on peut les détecter par des moyens artificiels. On a, pas loin de chez nous, Monseigneur Jeté, qui est spécialiste dans cette science-là. Puis il fait des choses étonnantes en détectant des choses comme ça, en se basant sur les courants de la Terre. Monsieur, juste ici, en avant. Monsieur? J'ai un petit dictionnaire alchimique, un lexique ou un glossaire. Il y a à peu près 2800 termes dans ça. J'attends de trouver un éditeur qui ne soit pas trop comparateur, s'il veut. Me donner une petite frustration, je lui céderai. Mais j'en ajoute toujours, de temps en temps, j'ajoute un mot ou une définition. C'est un dictionnaire en forme de plutôt des définitions que des étymologies. Alors, tous les termes qu'on apprend en alchimie, alors j'ai écrit un petit article à ce sujet-là. Ouais. Oui. Monsieur, avec un chandail blanc. L'an prochain, je pourrais le mettre en circulation. Ouais. Oui, monsieur. J'ai pas saisi la fin de votre phrase. Pourquoi? De se cloîtrer, alors. De se cloîtrer? J'ai pas dit ça. Mais, je l'avais dit. Je le conseille pas non plus. Si je voyais un phénomène dans le ciel, une comète ou bien un passage d'un bolide ou bien un astéroïde, je voudrais le voir. Puis c'est un phénomène lumineux, un phosphène gigantesque, un soleil qui est plus grand que notre soleil en pleine nuit. Oh, je souhaiterais le voir. Ah oui. Madame, là-bas. Franchement, non. Franchement, non. Non, je suis pas omniscient, vous savez. j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas suffisamment assez de documents pour être dogmatique à ce sujet-là. Je regrette. Monsieur Moiti, dont vous nous parlez, a fait un rapport suite à une rencontre qu'il a eue avec une archéenne. Alors, ça n'a pas de rapport très direct avec des connaissances ésotériques comme telles. Je pense à un monsieur qui est de ce côté-là. Oui. D'abord, la loi universelle. Tout se réincarne incessamment pour poursuivre l'évolution jusqu'à leur destin ultime. Tout, dans les trois règnes de la nature. Le minéral le plus grossier, vise à atteindre la perfection, la noblesse de l'or, sous forme de gaz aurique. Et le végétal vise à la perfection également. Mais dans le cosmos, il n'y a pas de saut. Rien ne fait pas de saut. La nature ne fait pas de saut. Alors, le cheminement est lent. Et on peut pas voir, on peut pas constater et observer visuellement que tout évolue. Et évolue par réincarnation incessante, comme ça. Et ça s'applique à l'homme infiniment mieux qu'à tous les autres êtres de la création. Alors, on évolue d'étape en étape, par certaines phases temporelles, jusqu'à ce qu'on se soit épuré de la matérialité pour finalement atteindre le degré de perfection qui est notre destin ultime. Mais tout dans l'univers se réincarne incessamment. C'est la loi de l'évolution. Un autre terme pour l'évolution, oui, ce sera réincarnation de tout. Toujours en ascendance. Toujours en ascendance. Ce n'est pas en décroissant. On a parlé de métempsychose, un terme que l'on a confondu avec réincarnation, en disant que une personne qui aura mal vécu, vécu ignoblement, se réincarnera dans un animal inférieur, ce qui est tout à fait faux. L'évolution est toujours en ascendance. Toujours, toujours en ascendance. Toujours vers le mieux. Vers le mieux, vers le plus. Vers le destin ultime qui est la réintégration dans la maison du Père. Alex, oui, mais... vous êtes intarissable dans tous les sujets et à 79 ans, je pense, vous êtes la preuve vivante de l'efficacité de l'alchimie lorsqu'on sait la maîtriser comme vous qui êtes un maître en alchimie. Je vous remercie au nom de tout le monde ce soir. Merci à vous.